Au musée de Saran, jamais personne ne se rend. Pourtant c'est un grand musée, le musée de Saran. Ça rend bien service, surtout à l'ancien président. Ça rend bien service, mais ça rentabilise pas. Saranaise, Saranais, vous souhaite la bonne année dans le département français, devant le plus endetté. Sarange pour plaire au vieux président. Ça rend fou, mais hélas, jamais ça rend flou. Le musée de Saran, il trône au beau milieu des champs. Personne ne s'y rend, et ça coûte un paquet d'argent. Saranaise, Saranais, je vous souhaite la bonne année dans le département français, devant le plus endetté. Le musée de Saran, ça rend très bien et c'est très beau. C'est comme un très grand vaisseau, mais qui prend toujours l'eau. Il prend aussi votre argent, et si t'es à Saran, alors tu paieras plein pot, t'as vraiment pas de pot. Saranaise, Saranais, je vous souhaite la bonne année dans le département français, devant le plus endetté. La morale de cette histoire, comment ne pas la voir? C'est qu'il va falloir travailler plus pour payer plus. Ceci n'est pas une fable pour le contribuable qui peut toujours aller à Saran, voir comment Saran. Saranaise, Saranais, je vous souhaite la bonne année dans le département français, devant le plus endetté.